mais ça, mais quel week-end de folie furieuse! J'étais tranquille chez moi en train de regarder la version hard des Teletubbies, que d'un seul coup, le téléphone sonne. Ah, oui! Si je suis disponible cet après-midi pour faire un discours à l'occasion de la Journée internationale de la femme, c'est très important, les télés du monde sont là! Vous me connaissez, mes amis! Gentleman comme je suis, je n'ai pas pu refuser. Je suis arrivé samedi au rendez-vous, le sourire aux lèvres, déjà prêt à raconter mes plus riches anecdotes avec mes amis de la touffe pour ce grand show enregistré qui doit être diffusé ce soir. Ah, ça doit être le comité d'accueil, la paire de blondes au guichet. Oh, les salauds, ils auraient pu faire un effort. Elles sont laides! On dirait des chanteuses du concours de l'Eurovision. Bon, j'y vais quand même. Salut les boudins! C'est ici la journée de la radasse? Comment ça, un peu de respect? Eh ben, si vous étiez moins moche, je vous en donnerais du respect, moi. Et dans plusieurs positions. Bref. Après avoir copieusement giflé les deux boudins, je rentre dans le temple. Je vais au bar, histoire de prendre des forces, puis je me dirige vers la tribune. Et là, ouh, quelle horreur! Tous ceux qui prenaient la parole étaient d'un ennui mortel! Au bout de 17 heures, je me suis dit, par la sainte prostate du Kaiser! Helmut! Il faut faire quelque chose! J'ai viré la greluche qui était en train de parler de l'égalité des chances et des traitements entre les hommes et les femmes, des conneries comme ça, et j'ai pris la parole! Salut les grosses! Alors comme ça, c'est votre journée? J'espère que vous allez en profiter de cet événement pour vous échanger des recettes de cuisine, plutôt que de médire sur le compte des hommes, ou sans qui vous ne feriez que des animaux. Là, je sentais que la foule devenait légèrement hostile. J'ai donc réagi. On se calme! On se calme, les morues! Je vous dirai quand ce sera votre tour de l'ouvrir, d'accord? Plus ça allait, plus je sentais que ça craignait pour moi et mon short en cuir. Mais comme j'avais tout prévu... Vous me connaissez, Christophe? Bye. J'ai placé mon CD de secours dans la sonore. Ah. Mon spécial sédatif à radas. Et allez, c'est parti. Je vous aime. Ah, ça marchait trop bien. Elles avaient la larme à l'œil, les chiennes de garde. Pendant ce temps-là, moi, je dandinais de façon sensuelle et torride. Quand d'un seul coup, nom de Dieu, le titre suivant est parti. Vous les femmes. Oh, nom de Dieu, ça se gâte. Elle commence à s'exciter, les pétasses. Vite, vite, vite, vite, faut que j'arrête mon CD, sinon ça sent le feu d'hiver. Ah, oh merde, j'en vois déjà qui se dessapent. Ah, et c'est au moment où j'allais retirer mon CD, Christophe. Oui. S'il devenait complètement fou, le CD de merde, que le malheur est arrivé. Le troisième titre est parti. Dominique. Oh, Dieu du ciel, que les couilles du Kaiser me protègent, elles deviennent folles. Elles se mettent toutes à poil en poussant des cris. Catastrophe, voisine. Je suis fait comme un rat. J'ai tenté de m'enfuir, mais en vain. Je me suis fait choper dans un coin. Et l'âne de leur chef s'est plantée en face de moi. Elle s'est mise à crier. Viens, Fennec des montagnes. Tu nous as mis le feu, maintenant tu vas l'éteindre. Nous sommes à toi, fais-nous des trucs interdits. Humilie-nous comme des terroristes à Guantanamo. Prends-nous comme des musaraignes du Mississippi. Fais-nous flamber le biscuit, sale crotale. Et là, pendant 39 heures, avec les 455 invités, on a fait... comme des Éthiopiens québécois. Je suis mort, les gars. Bon, je vous laisse. N'oubliez pas de regarder, c'est ce soir vers minuit. Au revoir, Zen.